comme amour. Mes chers petits enfants, aimez Dieu plus que toute chose. Il est votre Créateur et votre Sauveur. Aimez vos chers parents, qui tiennent près de vous la place de Dieu. B comme bonté. Vous serez bon si vous ressemblez à Jésus, la bonté même, et si vous lui obéissez. La nativité, l'enfant Jésus, vient au monde dans une froide étable. Son premier regard est pour sa mère. Il lui sourit doucement et lui tend les bras. Marie s'agenouille pour l'adorer, car cet enfant pauvre est vraiment son Dieu. Joseph les contemple et les anges, inclinés, entourent en chantant le divin berceau. Jésus a voulu naître dans l'indigence afin de nous apprendre que les vrais trésors ne sont pas ceux de la terre.